Quatrième partie, chapitre 9 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 9, des remèdes aux petites tentations. La meilleure manière de résister à ces tentations, dont nous ne pouvons pas plus nous exempter que de l'importunité des mouches et des moucherons, c'est de ne s'en point tourmenter, parce que rien de cela ne peut nous nuire, quoique nous en puissions recevoir de l'ennui, pourvu que l'on soit déterminé bien solidement au service de Dieu. Méprisez donc ces faibles attaques de l'ennemi, et ne daignez pas y penser davantage qu'à des mouches que vous laissez voler et bourdonner autour de vous. Mais, quand votre cœur en sentira quelque sorte d'atteinte, contentez-vous de les détourner simplement en occupant votre cœur, soit intérieurement, soit extérieurement, de quelque chose de bien, et spécialement de l'amour de Dieu. Si vous me croyez, vous ne combattrez ces tentations qu'indirectement et non pas d'une manière directe, comme est celle de leur opposer les vertus qui leur sont contraires, parce que ce serait trop vous arrêter à disputer contre l'ennemi et à lui répondre. Que si, ayant eu le loisir de reconnaître la qualité de la tentation, vous lui opposez quelque acte de vertu, directement contraire, ajoutez-y un simple retour de votre cœur vers Jésus-Christ crucifié et lui baisez les pieds en esprit avec beaucoup d'amour. C'est le meilleur moyen de vaincre l'ennemi dans les petites tentations et dans les grandes. Car l'amour de Dieu, contenant en soi toutes les perfections de toutes les vertus et en un degré d'une plus grande excellence, il est un remède plus souverain contre tous les vices. Et votre esprit s'accoutumant dans les tentations à recourir à ce principe général, il ne sera pas obligé d'examiner la qualité des tentations, et il se calmera d'une manière simple, mais terrible au malin esprit, qui se retire de nous quand il voit que ces suggestions nous font recourir à l'exercice de l'amour de Dieu. Voilà ce que nous avons à faire contre ces menues et fréquentes tentations, au lieu de les examiner et de les combattre en détail, car on se donnerait bien de la peine et on ne ferait rien. Fin du chapitre 9, quatrième partie.